L'Entrebrume par Eric Harasim. Dans l'entrebrume d'une autre rive, le mont Bouquet s'offre en spectacle. L'horizon se tait par la trêve hivernale des regrets infinis. Accord parfait des partitions joyeuses trouble l'air, gomme les montagnes. Elle les habille de leur manteau céleste, à les rendre plus légères, telles les nuées de gouttes finissant leur chemin dans les boues ravinées d'un ruissellement heureux. D'une suave sueur creusant les gorges de pierre qui s'élèvent par l'estive pour finir en concluse ou en plaie minérale. Des filets de fougères aux accents chaotiques ouvrent des voies, des passages malicieux dans les méandres de terre, aux senteurs d'humus. Le brouillard, illusion de l'aveugle qui s'élève au-dessus des eaux dormantes afin d'effacer le fondement des sommets pour mieux les contempler. Au regard de la plaine qui s'étend sous l'orage, activée par les phénomènes capricieux des Cévennes de sang, puisque la puissance des éléments indisciplinés règle ici l'art du paysage et tout ce qui s'y passe, celle-ci nous accorde une faveur de l'esprit dans un autre moment d'abandon, d'indécision. Perdu dans les paillis, le peintre somnole, je l'ai surpris plongé dans ses gammes de couleurs, à faire pâlir le voile d'horizon ou à en perdre ses nuances. Cette étendue sfumato, par fragments détachés, de syntaxe chromatique en murmure de pluie. Les syllabes de sa bouche, devenues argile, inscrites au revers des amphores, sommeillant dans le lit de l'anguille. Ces paroles viennent du ciel, ces tonalités de nulle part. Au commencement, point de verbe, mais de la gloire, du clair-obscur, désespérément, provenant certainement de la sonorité des coteaux. Je ne les ai pas entendus, ni différenciés. Étouffante surdité des saints dans leur diptyque qui nous observent depuis des siècles sous leur couche de vernis, craquelée par le temps. Leurs manteaux de glacis vermillon nous éblouissent de splendeur et nous invitent à nous couvrir, nous agenouiller, vénérer le tout. Dernière révérence, nous préparant pour une extrême onction de nos espoirs perdus. L'artisan du retable a la parole angélique, mais la signification maudite, elle est essentielle. Dévotions aux oracles dans les tourments de ce terroir sacré où les anciens balbutiaient des louanges face à des mottes d'herbe ou des tumulus de roches amassées, ça et là. Rite païen pour effacer les péchés capitaux et se laver dans la fange comme les porcs, nos frères. Baptême de crasse représenté dans les tableaux de Bruegel qui accompagne toute ripaille dans cette Flandre millénaire. Gothique à jamais. Ici se termine L'Entrebrume par Eric Harasim. Illustration musicale par Pascal Mancarelli. Une larme discrète. Enregistrée par Christiane Johan sous licence CC BY NC ND.